Saint-Denis, le 6 janvier 2005. Je suis anéantie, dégoûtée, écœurée, trahie surtout. Jamais je n'aurais pensé que Clémence m'aurait joué ce sale tour. Je tombe des nues. Ce soir, en rentrant, j'ai de nouveau tenté de la voir au téléphone. Sans succès, comme d'habitude. Aucun message de sa part sur ma boîte vocale, malgré tous ceux que je lui ai laissés. Alors, très en colère, j'ai composé le numéro personnel de sa mère, qui me répondit elle-même aussitôt. Au ton de sa voix, je me rendis compte immédiatement qu'elle semblait très mal à l'aise. Elle savait quelque chose, bien sûr. Embarrassée, elle m'annonça en cherchant ses mots, elle qui parlait toujours très naturellement avec une grande spontanéité, que sa fille était sortie et qu'elle ne savait pas quand elle rentrerait. Je lui posais plusieurs questions concernant Clémence, notamment sur son emploi du temps, et lui demandais par la même occasion si elle savait pourquoi sa fille s'obstinait à ne plus vouloir me donner de ses nouvelles. Autant de questions qui semblèrent la gêner horriblement. Au fur et à mesure, sa gêne ressortait davantage. Il était évident que tout ça n'augurait rien de bon pour moi, et même si je me doutais depuis longtemps de quelque chose, je commençais à envisager le pire, bien que me forçant à en repousser l'idée de toutes mes forces. Pendant qu'on se parlait, j'entendis tout à coup des bruits de voix chez mon interlocutrice. Je lui en fis part. « Bon, écoutez, » reprit-elle. « Personnellement, je trouve cette situation idiote et je l'ai dit à ma fille. Elle doit vous parler. Je trouve ça inconscient de sa part de pratiquer la politique de l'autruche. Elle vous doit la vérité, même si c'est difficile à dire et à entendre. » Là, j'avoue que j'ai tremblé intérieurement et je savais d'ores et déjà que j'allais souffrir. La mère de Clémence continua. « C'est justement elle qui vient d'arriver. Ne quittez pas, je vais vous la passer. » Anxieux, j'attendis plusieurs minutes. Mais la voix qui se fit entendre n'était pas celle de Clémence. « Bon, désolé, j'ai insisté, mais ma fille ne désire pas vous parler. Je suis furieuse. Pour moi, elle manque tout bonnement de courage, et ce qu'elle vous fait subir est lâche. Vous savez combien j'ai d'estime pour vous, que je vous aime beaucoup. » Tout ceci m'ennuie terriblement. Seulement, je ne peux malheureusement rien y faire. Ça ne me regarde pas. Clémence m'a chargée de vous informer qu'elle vous adresserait un SMS dans la soirée. Je ne sais quoi vous dire de plus, sinon que vous êtes un mec bien et que les femmes sont parfois idiotes. Je vous fais la bise et vous souhaite bonne chance pour tout. Allez, au revoir, Alexandre. Et n'hésitez pas à me rendre visite si un jour vous décidez de revenir en France. Ce sera avec le plus grand plaisir, et la porte vous sera toujours ouverte. » Puis elle raccrocha. J'en demeurai pantois. C'est vrai que dès que la mère de Clémence, une divorcée jolie et pimpante de la cinquantaine, avait fait ma connaissance en venant passer un mois de vacances à La Réunion il y a 2 ans, elle avait tout de suite semblé m'apprécier particulièrement. Et ce n'était pas que pour mes qualités d'esprit. Le reste semblait lui plaire encore davantage, ça sautait aux yeux. D'ailleurs, Clémence l'avait assez taquinée là-dessus, pendant que moi je bichais comme un petit coq, tout content d'être flatté par mère et fille. Si j'avais su ce qui me pendait au bout du nez quelques années plus tard, j'aurais été moins fier. Et pour en revenir à Clémence, j'étais sidéré. La douche froide, je n'aurais jamais cru ça d'elle. Je la croyais plus franche, parce qu'en plus, elle ne voulait pas me parler, même si j'appelais chez elle. Terriblement angoissée, j'attendis donc son message, les yeux rivés sur mon téléphone mobile. Une bonne heure passa. Vers les 22 heures, l'appareil s'agita, sa sonnerie m'indiquant que le SMS attendu venait d'arriver. Inquiet, j'appuyai sur la touche adéquate. Étonné, je vis apparaître le texte suivant. On ne peut plus laconique. Je t'ai envoyé un message d'explication sur Internet. Désorienté, déçu, et encore davantage apeurée, je me suis précipitée sur l'ordinateur. Elle savait que j'y allais rarement. Elle avait préféré m'avertir. À part bon nombre de spams et publicités diverses, dans la boîte de réception de ma messagerie se trouvait bien et uniquement le message de Clémence. Le cœur battant, j'ai donc ouvert celui-ci. Stupeur et indignation furent mes premiers ressentis. En gros, ce qu'il en ressortait, c'est que j'étais devenu le cocu magnifique. Sans jamais me douter de rien en plus, ce qui accentuait la sourde colère qui couvait en moi, atténuant ma peine profonde. Clémence m'expliquait sans grand ménagement qu'elle avait rencontré quelqu'un sur son lieu de travail, que cela avait été le coup de foudre réciproque, qu'elle n'aurait jamais pensé qu'une telle chose lui serait arrivée, merci pour moi, parce que ce qu'elle avait vécu avec moi avait toujours été super, merci quand même, que le nouvel élu terminait sa période de 4 ans à La Réunion et qu'elle avait donc décidé de donner sa démission au boulot pour pouvoir rentrer en métropole avec lui. Elle ajoutait qu'elle n'avait jamais réussi à s'intégrer totalement dans son emploi, où elle avait subi de nombreux problèmes que je n'ignorais d'ailleurs pas, et que l'occasion lui était offerte en quelque sorte de donner sa démission, qu'elle s'était bien plu sur l'île, mais qu'elle n'y entrevoyait rien de positif pour elle sur le plan professionnel, qu'on passe finalement plus de temps au boulot qu'à la maison, et que ne se sentant pas bien au travail, mal dans sa peau, inconsciemment ou non, elle avait eu besoin d'y trouver réconfort. Ce qui s'était produit tout à fait fortuitement avec quelqu'un dans le même cas qu'elle, qu'ils s'étaient découverts tous les deux de nombreuses affinités, notamment par rapport à leur âge similaire. Nous y voilà, j'ai 18 ans de plus que Clémence. Et pour terminer, elle se disait désolée qu'il en soit ainsi et me demandait de lui pardonner, espérant que je comprendrais. Venait ensuite tout un tas d'éloges sur ma personne pour vanter mes nombreux mérites qui, selon Clémence, devraient me faire rapidement retrouver l'âme sœur. Merci du peu. Amen, la messe était dite, ite missa est. En pleine confusion, j'avais refermé l'ordinateur. Glacé, le cœur en déroute, l'âme en détresse, empli cependant d'une colère interne qui me broyait les tripes. En fait, j'étais surtout malheureux comme les pierres, malgré mon désir de crâner. Au salon, où je tentais de me réconforter en avalant coup sur coup 3 ou 4 whisky, j'essayais de déblayer mes pensées confuses. Voilà ce que c'est que de se laisser séduire par les petites jeunes filles. Tôt ou tard, on doit peut-être s'attendre à ce qu'elles vous larguent pour des garçons de leur âge. J'en suis la triste preuve. Quand je l'ai connue, elle avait 23 ans. Elle en a maintenant bientôt 28. Et moi, 46. En conclusion, je n'ai plus que mes yeux pour pleurer, pour employer ce lieu commun. Mais pleurer n'était pas trop mon truc, même si j'avais très mal, et Dieu sait que dans ma vie, j'ai eu très mal plus d'une fois, comme beaucoup finalement. Il doit d'ailleurs être impossible de passer une vie sans souffrir à un moment ou un autre, souffrance morale à défaut de l'autre, qui en frappe hélas aussi certains. Je tâchais de me consoler comme je pouvais. La méthode Coué, qui en vaut bien une autre. Je ne devais pas me laisser aller, je devais réagir. Oui, je dois réagir. Mais que faire à présent? Ma vie à La Réunion tournait autour de Clémence. Rester ici sans elle ne m'intéresse plus. D'ailleurs, 5 ans sur l'île, c'est suffisant. J'en ai fait le tour. J'ai vu tout ce qu'il y avait à voir plusieurs fois. Tous les endroits présentant le plus d'intérêt, tous les sites les plus grandioses. J'ai un album photo rempli de clichés de Cilaos, du Piton des Neiges, du volcan de la Fournaise, du Grand Bénaret, de la Plaine des Sables, de Salazie et Elbourg, des Trois Bassins, de la Plaine des Palmistes, de Mafat, de la Plaine des Cafres, de Bassin la Paix, pour ne citer que les plus connus. J'ai même pris la peine de noter, parce que je les trouve vraiment sublimes, ces quelques vers de Le Comte de Lille, que l'illustre poète réunionnais écrivit à la gloire du Piton des Neiges. Jamais le pic glacé n'entend l'oiseau siffleur, ni le vent du matin empli d'odeurs divines qui rit dans les palmiers et les fraîches ravines, ni parmi le corail des antiques récifs, le murmure rêveur élan des flots pensifs, ni les vagues échos de la rumeur des hommes. Il ignore la vie et le peu que nous sommes, et calme spectateur de l'éternel réveil, drapé de neige rose, il attend le soleil. Oui, je vais partir. Donnez-moi aussi ma démission. Reprendre la route. J'ai un copain qui vit en Nouvelle-Calédonie. Ça fait longtemps qu'il me propose de venir m'y installer. C'est le moment ou jamais, puisque cette occasion malheureuse m'en est donnée. Allez, profitons-en pour mieux faire passer la mère pilule. Ce sera toujours ça de gagner. Il faut bien trouver des solutions pour ne pas se laisser abattre et faire apparaître le côté positif sur ce qui nous arrive de catastrophique. Ce soir, pour la dernière fois ici, je vais refermer ce carnet, qui, avec mes vieux souvenirs de voyage, contient maintenant mon énorme déconvenue. Je l'emporterai bien sûr avec moi, à cause des souvenirs qui y sont consignés, mais également parce qu'il restera à jamais l'unique témoin de mon amour pour Clémence. Un amour bafoué, certes, mais un amour qui a réellement existé entre nous les premières années. Finalement, ce sera comme si j'emportais un peu d'elle avec moi. Seulement, ce carnet, il ne faudra surtout pas que je le relise trop vite. Cela attiserait forcément ma souffrance, et je risquerais de le détruire sur un coup de tête. Allez, adieu, cher cahier. Adieu, ma vie ici. Et vive l'aventure nouvelle. Mieux vaut crâner que pleurer.